je maudis toutes les femmes. Et devant toi, je me pâme. Mais toujours, je te guette. Dans l'ombre, bien tapis. Et je te sens inquiète de mes instincts, mes envies. Et je suis face à l'heure. Toujours en porte-à-faux, et ma niche est un tonneau. Cela ne sert à rien, car souvent je te gêne. Je ne suis